macho, aquí ya va y agua la pieza me camereo, si no la pieza no me importa voar si pon. Oh, ani emote ma, toma me tu vestir, si estamos tus imágenes. Si no la vi es una mi cosa voir si pon. Oh, ani et mon tema. Comment me trouves-tu? C'est ça, mon souci majeur. Abia, ouais. En prenant patience, avec tout ce qu'on a sur conscience, on arrivera au bout. Mais après, ouais, on aura les moyens de.

ngata yo pe na boyaka yo ka o toi que je te teste de fois est-ce que tu peux me changer ton sale caractère tu m'as fait vivre l'aventure de l'amour mes amis papa ce sont de mes rivales mes cousins cousines sont là pour tes missions si moi demandais lui fais-moi pas la peur en me disant bien mon kiri, bingo si la gateo. Kola na teo, no kio mi bebisa. Ma ina yo, se poto lingana. Si maya tango ako ebela konini Mesa e ango ako ningate Balukande la leloyo bakani ango Bamona kateo leloyo bamoni Bayoka kateo leloyo bayoki Baloka kateo leloyo balobi Nikolo ya bolingo oyo la castella.